Chapitre 3e. On touchait au moment de l'arrivée de Jacques et de son ami. Chaque jour pouvait les amener au Courtil. Un matin, Esther s'était rendue à pied chez l'humble vicaire d'un hameau, à qui il portait de petites aumônes qu'elle le chargeait de distribuer à de pauvres voisines. Elle aimait ces promenades, que Madame de Carnavon lui permettait d'entreprendre seule. Qui ne connaissait les hôtes du Courtil à 4 ou 5 lieues à la ronde? Quand elle allait ainsi par la campagne, le long des sentiers tapissés de lavande et de thym, ou à travers champs, avec la légèreté d'une alouette qui court dans le chaume, la tristesse n'avait plus de prise sur sa jeunesse. Elle avait le cœur content et gai. Les aumônes faites, et un bout de conversation achevée avec le vicaire, elle avait pris par le plus long pour revenir. Enfoncée dans les bois, où l'ombre l'enveloppait de fraîcheur, Esther ralentit sa marche, s'amusant à cueillir des fleurettes, puis s'arrêtant comme pour écouter ce que lui disaient ses pensées. Un homme vint à passer qui boitait légèrement. Il jetait dans un sac qui pendait sur son épaule des champignons qu'il ramassait dans la mousse. C'était une sorte de mendiant bien connu dans le pays, qui allait de ci de là, couchant dans les granges, et vivant de quelques croûtes de pain qu'on lui donnait, par crainte plus que par amitié. On l'appelait l'homme à la jambe qui traîne, et il passait pour jeter des sorts. À son aspect, la gaieté d'Esther s'envola. « Voilà le ronquier, » se dit-elle. « Il m'arrivera quelque malheur aujourd'hui, bien sûr. » L'homme à la jambe qui traîne traversait en ce moment le sentier qu'elle suivait. Il la salua. Elle se signa à la dérobée. « Une belle matinée, » dit-il, « et agréable pour les jolies filles qui cherchent des bouquets. Mais il faut prendre garde tout de même, il y a des vipères dans le bois. » Esther prit à travers le fourré sans répondre et se dirigea vers un chemin dont les sinuosités blanches dévalaient au creux d'un vallon non loin de là. Le soleil commençait à être haut sur l'horizon. La chaleur était venue. Elle avisa une charrette qui, bien abritée d'une tente arrondie sur des cerceaux, filait devant elle. Elle eut bientôt fait de la rejoindre, et le conducteur qui était des environs la fit asseoir à l'ombre sur une botte de paille. « Nous serons au Courtil sur le coup de midi, et vous y arriverez fraîche comme un brugnon, » dit-il. Le voisin, tout en parlant, s'était assis sur le brancard, jambes pendantes, et le cheval, émoustillé par une caresse du fouet, prit une allure plus vive. Un jeune homme parut en ce moment sur un sentier de chèvres tracé au flanc de la colline au bas de laquelle passait la route. Le soleil frappait d'aplomb sur les rochers nus, et l'air embrasé par tous les feux du ciel desséchait les lèvres qui le respiraient. Le voyageur jeta un regard d'envie sur la charrette, vers laquelle sa marche oblique le dirigeait. De la place qu'il occupait, il apercevait le bord d'une robe de toile à bouquets de fleurs bleues et de bottines qui luisaient au soleil. Ses regards s'arrêtaient avec complaisance sur les deux petits pieds que l'ombre de la tente ne protégeait pas. Bravement exposés à la lumière, ils avaient l'air jeunes. Coquettement couchés l'un à côté de l'autre, ils étaient parfois immobiles comme s'ils eussent voulu faire admirer leur fine cambrure et la grâce de leurs formes élégantes, et parfois ils frétillaient comme s'ils avaient été pris par une envie subite de danser. L'inconnu, qui trottait à travers les ronces, tout en lorgnant du coin de l'œil, avait grande hâte d'atteindre la charrette avant qu'elle eût tourné l'angle de la colline, et il y parvint au moment précis où le cheval, qui secouait gaiement les grosses boules de laine rouge suspendues à son collier, présentait sa tête au détour du chemin. « Hé, l'ami » cria-t-il au conducteur qui faisait claquer son fouet. Esther pencha la tête hors de son abri et montra son joli visage à la vive lumière du jour. C'était ce que le voyageur espérait. Le traître ôta lestement son chapeau et d'un air de politesse. « Pardon, mademoiselle, » s'écria-t-il, « je ne vous avais point aperçu. Qu'y a-t-il pour votre service, monsieur ?» J'ose à peine à présent le demander. Je suis étranger, j'ai perdu mon chemin, et la fatigue commence à se faire sentir. C'est-à-dire que vous ne seriez point fâché de faire un bout de chemin en voiture. Si le chemin que vous suivez mène au Courtil, je l'avoue, j'y vais moi-même. La charrette venait de s'arrêter, comme si le bon gros cheval qui la traînait eût compris de lui-même de quoi il s'agissait. Le mouvement de la personne qui souriait sous son ombrelle indiquait au piéton qu'il pouvait monter. Il sauta prestement sur le marchepied et sauta sur la botte de paille, tête nue. Le vent qu'il frappait au visage le rafraîchissait. « Il fait bon ici, » dit-il. « On irait ainsi jusqu'au bout du monde. » Esther examinait son compagnon à la dérobée. Il était jeune, d'une physionomie avenante, avec des yeux qui riaient malgré un certain air de souffrance. Son frère lui avait parlé d'un ami qui l'amenait, si c'était lui. Mais alors Jacques ne pouvait être loin. Elle regarda rapidement de tous côtés, la colline et le vallon étaient déserts. « C'est impossible, » pensa-t-elle. « Par quelle aventure Jacques arriverait-il à pied et seul ?» Soudain, à la sortie d'un creux, derrière un amas de rochers qui s'avançait comme un cap sur un champ de vignes et d'oliviers, on vit la mer étincelante qui semblait rouler des diamants en fusion dans ses lames. Une aigrette de palmiers perdue dans l'azur frissonnait au sommet d'une pointe d'où, par longues files, des bouquets de pins parasols descendaient vers le rivage. Une lumière éclatante inondait l'espace. « Mon Dieu, que c'est beau !» s'écria le voyageur. « Et ce ciel est-il pur? Est-il bleu ?»« Si pur et si bleu qu'on regrette parfois de n'y point voir de nuages. » Étonné, il regarda sa voisine. « Eh, mademoiselle, je suis d'un métier où l'on rencontre les nuages plus qu'on ne veut, et ils ne sont pas toujours d'une humeur plaisante. »« Marin, peut-être, justement. » Monsieur Raoul de Mauplat, l'ami de Jacques, n'était-il pas en scène de vaisseau? Esther allait l'interroger. Le voyageur ne lui en laissa pas le temps. « Un marin qui trotte à pied, ce n'est pas l'usage, » reprit-il. « C'est une sotte aventure qui en est cause. Un ami que j'accompagne ne s'est-il pas visé, à peine hors du wagon qui nous a déposés à quelques kilomètres d'ici, de me planter là et de s'enfuir dans les terres pour rendre visite à un bon vieux curé qui a été son premier maître. « Va toujours droit devant toi, » me dit-il. « Dans une demi-heure, je t'aurai rattrapé. » Il me quitte là-dessus et je pars. Il faut croire que je n'ai pas toujours suivi la ligne droite, ou que les lignes de ce pays s'allongent en zigzag. Au bout d'une heure, et marchant toujours, je me trouve en plein désert. Des collines et des bois. Personne à l'horizon. C'est alors que j'entends le grincement des roues de cette charrette sur le chemin. Ça a été pour moi le salut. Il n'en fallait plus douter. C'était bien le jeune homme à qui les médecins avaient recommandé l'air du midi. Jacques était certainement au Courtil. Désireuse de le rejoindre au plus vite, Esther pria leur conducteur de presser l'allure du cheval qui prit le grand trot. « Si vous allez au Courtil, c'est qu'apparemment vous connaissez ceux qui l'habitent, » reprit le marin. « Moi, c'est ma première visite et, tout bas, je vous en ferai l'aveu, j'ai un peu peur. Pourquoi ? Comprenez donc, mademoiselle, une maison où il y a 4 femmes qu'on n'a jamais vues, une mère et 3 filles, c'est terrible. » « Mais vous portez l'épée, vous êtes brave, et vous vous êtes risqué, vous riez. Mais je vous jure que je ne suis pas rassuré du tout. Comment faire pour plaire à tout ce monde? Ce qui me tranquillise admis, c'est que j'arrive sous l'égide d'un fils et d'un frère qu'on adore. « Ah oui, » dit Esther. La charrette du voisin s'arrêta subitement. On était à l'entrée d'une avenue de vieux arbres entre lesquels poussaient pêle-mêle des buissons de toutes sortes, où l'aubépine et l'arbousier confondaient leur feuillage. « C'est ici, » dit Esther, en sautant légèrement à terre. Ses petits pieds rebondirent sur le gazon sans y laisser de traces, et saluant leur conducteur d'un grand merci et d'un sourire, elle invita le jeune marin à la suivre. Elle ne marchait pas, elle volait. Bientôt elle se jeta en plein taillis, gagna un sentier qui filait à travers les noisetiers, les lilas et les houx, et poussa droit devant elle d'un pas rapide et dégagé. « Mais vraiment, mademoiselle, on dirait que vous êtes chez vous, » s'écria le marin, que le vent des rameaux écarté par sa course fouettait au passage. « Je crois bien que oui, monsieur de Mauplat, » répondit-elle gaiement. Un grand bruit de voix joyeuse arriva jusqu'à eux à travers un rideau de verdure. Esther en fendit d'un élan l'obstacle léger et parut dans la cour, où toute la famille s'empressait autour de Jacques, à peine descendu d'une méchante carriole qu'on voyait dans un coin. « Jacques !» cria Esther. Il se retourna et elle se trouva dans ses bras. « Enfin !» dit-il, en lui rendant ses baisers coup sur coup. Il aperçut Raoul qui osait à peine s'avancer. « Ah, te voilà » cria-t-il. « Par où diable es-tu passé ?»« Tu peux te vanter de m'avoir fait courir. » Et sans attendre une explication, le prenant par la main, « Petite sœur, mon ami Raoul de Mauplat, » dit-il en le lui présentant. « Je sais, » murmura-t-elle. « J'ai recueilli M. de Mauplat chemin faisant. La connaissance est faite. » Madame de Carnavon avait des larmes dans les yeux en contemplant son fils. Il lui paraissait plus grand, plus fort, plus beau surtout. « Tu nous restes longtemps, très longtemps, » reprit-elle en l'attirant de nouveau sur son cœur. « Le plus longtemps que je pourrai. D'abord, mon ami a besoin de reprendre des forces. Il lui faut de grands soins, je vous le confie. » « Nous le garderons pour te garder, » répondit Madame de Carnavon. « La chambre de Monsieur de Mauplat est auprès de la tienne, ce qui fait que vous ne nous quitterez pas, et il me semblera que j'ai deux fils. » « Elle sait donc être mère quand elle veut, » pensa Esther. Ses traces de souffrance se voyaient encore sur le visage du marin, qui, à la dérobée, examinait toute la famille. Lorsqu'ils en avaient fait le tour, ses regards se reportaient sur celles des trois sœurs qu'il avait tirées d'embarras. Esther avait dans la physionomie un rayonnement de gaieté qui l'attirait. Les petits pieds qu'il avait aperçus dans un rayon de soleil lui trottaient dans l'esprit. Esther, qui le voyait sans le regarder, remarqua la pâleur de son front et se rappela qu'il avait été blessé. Elle devint sérieuse. Hortense, qui avait disparu depuis un instant, revint tout à coup et d'une voix qui dominait le murmure des conversations, cria « Le déjeuner est servi !»« Tu parles comme Minerve, » répliqua Jacques. « Je meurs de faim !» Et prenant Esther par la taille, il l'entraîna vers la maison en courant. Dès la fin de cette première journée, la glace était rompue entre les hôtes du Courtil. La réserve même de Madame de Carnavon n'avait pas tenu contre la belle humeur de Monsieur de Mauplat, en qui s'épanouissait toute la sève et toutes les séductions d'une jeunesse exubérante, à peine voilée par un reste de fatigue qui en augmentait le charme. Le frère et les sœurs avaient fait la visite de la maison et le tour du jardin en se racontant mille histoires qui soulevaient des fusées d'éclats de rire et où revenaient sans cesse ces trois jolis mots si doux, « Te rappelles-tu ?» Raoul, qui ne perdait pas un mot de ses confidences rétrospectives baignées de toutes les fraîcheurs de l'enfance, entrer ainsi dans l'intimité de la famille. Les souvenirs s'envolaient de tous les arbres et de tous les buissons comme des nichées d'oiseaux jaseurs. Des sourires erraient sur les lèvres blanches de Charlotte. Madame de Carnavon écoutait son fils, et l'attendrissement donnait à son visage l'expression de la bonté. Elle ne se ressemblait plus. Quelques jours après son arrivée, la nuit surprenait Raoul devant une table, à l'heure même où si souvent Esther ouvrait son livre à serrure et sa plume courait sur le papier. « Qu'ai-je fait depuis que j'ai quitté Paris, mon vieil ami? 100 lieues à peine et j'habite un coin de terre où rien ne pénètre de ce qui agite le boulevard. Je suis entré dans cet ébahis d'un jour d'été, vers midi, par un grand soleil qui brille étincelamment au plus haut du ciel. Que cela ressemble peu au village et au cottage des environs de Paris. Une vieille maison couverte de plantes grimpantes en si grande profusion que feuilles et fleurs semblent monter à l'assaut du toit. Ça s'appelle un château. Une baraque tapissée de mousse est dans un coin, à l'angle d'une cour où vont et viennent, avec toutes les effronteries d'une liberté qui ne connaît ni règles ni discipline, des bandes de canards et de poules entre lesquelles se promènent majestueusement des oies hautaines et paresseuses. Voilà pour l'extérieur. Le perron franchi, c'est bien une autre affaire. En avant soi, un large escalier de pierre mal dégrossi, qui monte tout droit, et tout en haut, au fond d'un corridor où flotte une vague odeur de feuilles de rose, s'ouvre un grand salon et un autre plus petit, comme un père et son fils qui se tiennent par la main, où s'étale contre le mur une collection nombreuse de portraits de familles peints au hasard par des artistes inconnus. De belles dames mignardes et furieusement décolletées font les yeux doux dans le vide. Toutes ont à la main des instruments de musique de forme bizarre, luth, mandoline, guitare, sur lesquels leurs bras mignons promènent des doigts potelés. Leurs regards tendres qui vous poursuivent me font rêver à de belles histoires d'amour oubliées. Quelques vieux meubles en bois doré d'un bon style garnissent ces deux pièces séparées par des portières en lampas cramoisies. Des glaces coupées à cadres fleuris avec trumeaux achèvent de donner un air d'élégance à ces salons où tout parle de choses mortes. Des parfums de notre âge sortent des boiseries. Il m'enivre doucement. Je te vois sourire et déjà ta voix railleuse me demande, et la femme. Il y en a 4, mon ami, mais il n'y en a qu'une, c'est vrai. Est-elle jolie? Je ne sais. Je ne vois que ses yeux. Ah, quels yeux! Des fleurs lumineuses qui ont toutes les innocences, toutes les flammes, toutes les tendresses. Et gaies avec cela. Le rire y pétille. Puis tout à coup, des pensées viennent qui les assombrissent d'une expression désolée. Il paraît si peu fait pour être malheureux que volontiers, dans ces moments-là, on embrasserait celle qui les possède en lui disant « Mademoiselle, je vous en prie, ne soyez pas triste. » C'est en effet à une jeune fille que ses yeux appartiennent. Elle a 20 ans, bien que l'expression de son visage et l'épanouissement de son sourire, elle ne paraisse pas en avoir plus de 16. Et il y a des heures cependant où, par je ne sais quel réveil subit de sa pensée, c'est une femme qu'on a devant soi. Je l'ai surprise l'autre jour accoudée à la balustrade d'une terrasse, d'où la vue domine au pli de la route qui court de Toulon à Nice. Par là passent tous ces heureux de la terre qui y cherchent les stations enchantées de Saint-Raphaël, d'Hier, de Cannes, de Monaco, et plus loin, l'Italie. C'est le grand chemin de la jeunesse, de l'amour, du luxe, de toutes les oisivetés élégantes de la vie. Ses yeux en voient le mouvement, ses oreilles en entendent le bruit, et le bruit et le mouvement disparaissent comme ces oiseaux qu'au souffle du printemps amènent pour un jour dans le ciel du midi. Je me suis approché. Esther a tressailli et a tourné vers moi un visage où se réfléchissait, comme dans une glace, le trouble intérieur qui la tourmentait. Un coup de sifflet strident s'est fait entendre, suivi d'un grondement sourd, et j'ai vu passer entre deux bouquets de pins le panache de vapeur blanche d'une locomotive. Des wagons sautaient l'un après l'autre par l'échancrure ouverte au creux de deux collines. « C'est l'express de Nice, » dit la voix douce d'Esther. « Il me semble plein de voyageurs. Oui, c'est comme cela tous les jours. On dirait un fleuve qui coule. Ici, nous ne bougeons jamais. » Un soupir passa sur sa bouche. Il y avait comme des battements d'ailes dans ce soupir. Elle a quitté lentement la terrasse. Je n'ai pu m'empêcher de penser à ces hirondelles que des enfants emprisonnent dans des cages, et dont les jolies têtes inquiètes et la gorge haletante se froissent contre d'impitoyables barreaux. De nouveau tu souris, et te voilà prêt à me lancer un sarcasme en plein visage. Amoureux, et je voudrais l'être. On n'a pas toujours l'occasion de sentir son cœur battre pour des personnes qui ressemblent à Mademoiselle de Carnavon. Mais vois-tu, ce qui manque au mien, comme à tant d'autres, c'est la naïveté. On n'a plus le loisir d'être jeune en ce temps-ci. Trop de personnes aimables cheminent dans tous les mondes de Paris, et les chansonnettes qu'elles fredonnent ne permettent pas d'entendre les gazouillements des rêves qui berçaient les 20 ans de nos pères. On ne suit plus la pente du sentiment. Tout au plus est-on fidèle à celle de l'occasion. On scrute, on analyse ce qu'on éprouve, on en veut connaître le pourquoi et le comment, la cause et l'effet. Rien de frais, rien de spontané, rien de candide, tout au plus un désir, une curiosité. On était hier encore sur les bancs de l'école, et on se vante d'une expérience hâtive qui pousse dans l'esprit comme un champignon dans de la mousse. Que dire de la fierté d'un oiseau qui se montrerait heureux de ne savoir plus ni chanter ni voler? Et voilà pourquoi je ne suis pas amoureux d'Esther. Ah, que je l'aimerais cependant, si le matin de ma vie m'avait laissé plus de jeunesse. Mais le moyen d'être naïf quand on a reçu 3 pouces de fer dans le flanc pour une coquette qui n'a pas même attendu votre convalescence pour s'en aller outre frontière égayer sa sensibilité. On a la rancune de sa duperie. Et cependant, il me semble que le bonheur serait facile ici, dans cette nature embaumée, sous ce ciel clément. 2 coups secs qu'une pendule a sonné dans le silence de ma chambre, comme un avertissement, m'ont appris qu'il se faisait tard. Je laisse là ma plume et mes confidences. Ce n'est pas le sommeil ou la fatigue qui me gagne, c'est l'incertitude de mes pensées. Elles n'ont pas plus de forme et de contour qu'un nuage flottant dans le crépuscule d'un ciel gris. Bonsoir. Demain, à la clarté du jour, peut-être viendrai-je plus aisément à bout d'en débrouiller les chevaux. Il était impossible que Raoul, malgré cette absence de naïveté dont il parlait à son ami, n'éprouva point l'influence pénétrante du milieu où le hasard l'avait jeté. Comme une odeur s'évapore au contact de l'air. Ce parfum de scepticisme et de raillerie dont les caractères s'imprègnent aisément à Paris s'usait et disparaissait dans cette vie lumineuse qu'il menait au milieu d'une campagne toute remplie d'une végétation exubérante. Après un petit nombre de jours, Raoul était déjà sous le charme. Une chose extraordinaire arriva, qui fit que la famille de ses hôtes tout entière abandonna le Courtil pour 24 heures. Un ami de Madame de Carnavon, qui demeurait dans une partie écartée du Var, à quelque distance de Draguignan, l'invita, ainsi que tous les siens, à la pêche d'un étang. Madame de Carnavon n'était point accoutumée à ces déplacements qui la faisaient sortir de ses habitudes et qui étaient une occasion de dépenses contre lesquelles protestait l'économie d'Hortense. Elle céda pour faire plaisir à son fils, à qui elle ne savait rien refuser. Le lendemain de leur arrivée, on se mit en campagne de bonne heure. L'étang qu'il s'agissait de vider était situé dans une plaine inculte dont les ondulations légères couvraient un grand espace semé de bruyères et de pins. Le paysage avait un caractère de mélancolie qui contrastait singulièrement avec la nature ensoleillée et plantureuse qu'on venait de quitter. Pour augmenter encore cette impression de tristesse qui se dégageait de l'aplatissement des rives dont l'ourlet de sable et de joncs contournait les eaux dormantes de l'étang, et de l'étang du fauve de cette solitude où le vent courait avec de longs murmures, un brouillard léger rampait à la surface du sol et mêlait au gris du ciel les perspectives grises de l'horizon. Les arbres faisaient des taches noires dans la masse flottante de ces vapeurs, dont les draperies balayaient le tapis rouge des bruyères. Une chaussée côtoyait le bord de l'étang, planté de grands chênes dont la rainure épaisse esquissait une ombre dans cette brume. Si la lumière qui tombe à flot d'un ciel éclatant a sa splendeur, la transparente obscurité des voiles que le brouillard étend sur la campagne a sa poésie. Elle mêle, on ne sait quelle grâce, à l'incertitude des lignes. Le mouvement de la pêche avait dispersé tout le monde autour de l'étang. Des barques y glissaient lentement avec des formes indécises et se perdaient dans un éloignement vague. Raoul et Esther marchaient à l'écart. Ils regardaient partout et peut-être ne voyaient qu'eux. Un vol de corbeaux s'éleva d'un champ voisin sur leur droite, battit de l'aile lourdement, raya de lignes noires l'opacité du ciel et s'enfonça dans le vide. « Croyez-vous au présage ?» dit Esther qui prêtait l'oreille au croassement rauque dont le bruit fendait la nue. Monsieur de Maupla sourit. « Je crois aux sympathies subites, » dit-il. « Je crois aux sentiments, à tout ce qui fait battre le cœur et l'agite. Mais pourquoi voulez-vous que ma crédulité prête à certaines manifestations de la nature, à des bruits, à des mouvements dont les êtres ou les choses qui les causent n'ont pas conscience, un sens défini et une action sur ma destinée ?» Esther l'écoutait, la tête à demi penchée. « Je ne sais pas, » reprit-elle. « Il se peut que ce soit une faiblesse ou une folie. J'ai toujours eu l'esprit disposé au pressentiment. Et c'est ce qui fait qu'une feuille qui tombe ou le cri d'un oiseau m'incline à la tristesse ou à la joie. Des riens prennent des proportions étranges quand on vit seul. Ces corbeaux, quand ils se sont envolés, sont partis sur la droite. Ils étaient un nombre impair. C'est un heureux présage. Ainsi, il faudra marquer cette journée d'une pierre blanche ? Peut-être. » Parlant ainsi, ils arrivèrent à un endroit où l'étang enfonçait une langue d'eau dans l'intérieur des terres. Un bateau se balançait sur le bord, retenu par une corde au tronc d'un vieux saule. Au loin, sur l'autre rive, des formes vagues s'agitaient autour des vannes et des écluses. Un appel joyeux dans lequel Esther reconnut la voix de son frère traversa le brouillard. « Voulez-vous que nous passions ? » dit Raoul. Il détacha la barque et y fit entrer Mademoiselle de Carnavon. En un instant, ils furent en pleine eau. Une traînée de brume glissa sur la surface de l'étang et les enveloppa de ses voiles diaphanes. Tout disparut à leurs yeux. Monsieur de Maupla ramait doucement, et la barque, qui fendait l'onde sans bruit, semblait flotter dans un nuage comme un oiseau, avec un mouvement paresseux qui la berçait. Quand un souffle de vent déchirait le réseau de vapeur, Esther apercevait par éclaircie la chaussée plantée de chênes, les grands pins de la rive, des pans de bruyère, puis de nouveau tout s'effaçait. Des sarcelles surprises dans leur nid d'herbe flottante s'envolaient à tire d'aile et passaient à côté d'eux. Mollement bercée, Esther ne voyait ni la terre ni le ciel. Le bateau qui la portait était comme un point dans l'espace, et devant elle souriait un jeune visage qui la regardait. Elle sourit à son tour. « On irait ainsi jusqu'au bout du monde ?» dit-elle. Raoul laissa pendre les rames dans le sillage du bateau. C'est ce que je disais il y a quelque temps dans cette charrette où vous m'avez reçu. Écrirez-vous ce mot sur le calepin que voilà ? Pourquoi pas ? Elle tira de sa poche un petit porte-crayon en or et sur la page blanche écrivit et signa de son nom. « Esther, » répéta Raoul en regardant le papier. « C'est un joli nom, un nom biblique. Il ne rappelle à l'esprit que des souvenirs tendres et doux. Il vous va bien. » Mademoiselle de Carnavon écoutait, ravie. C'était moins des paroles qu'elle entendait que des sons. Il lui semblait qu'elle vivait dans un rêve. La proue de la barque toucha le sable de la rive entre deux touffes de joncs. Elle posa une main fine sur l'épaule de Raoul et sauta. Personne n'était plus là. Le rideau pâle du brouillard s'ouvrit. Un rayon de soleil tomba du ciel et en éclaira les vagues blanches qui montaient dans l'air attiédies comme de gros paquets de ouates. La grande nappe grise de l'étang se mit à étinceler par plaques. Esther et M. de Maupas marchèrent le long de la plage, allant du côté où l'on entendait un bruit de voix mais sans se hâter. Quelquefois, il lui tendait la main pour l'aider à franchir un ruisseau ou le talus d'un chemin creux. Elle était heureuse et promenait ses regards partout comme si elle eût voulu emporter l'empreinte de ce paysage dans un coin secret de sa mémoire. Tout à coup, elle poussa un cri et portant la main à sa poche. « Mon crayon, j'ai perdu mon crayon !» dit-elle. Esther fit quelques pas au hasard d'un air effaré, les yeux à terre. « Ne m'accusez pas d'enfantillage, » reprit-elle. « Je tenais beaucoup à ce petit bijou. Il m'avait été donné par un vieil ami de la famille, un des seuls êtres qui m'ait aimé. C'est alors qu'il faudrait marquer cette journée d'une pierre noire. » Leur course à travers les joncs et les sables du rivage les écartèrent l'un de l'autre. Malgré lui, cette obstination de sa compagne à voir partout des présages avait fini par influencer Raoul. Mais ce qui l'occupait surtout, c'était le chagrin d'Esther qu'il voyait sincère. Ce chagrin lui pesait. Soudain, son regard fut saisi au vol par l'éclair d'un objet luisant qui brillait au bord d'une flaque d'eau. C'était le crayon perdu. Il éprouva la sensation d'un homme qui a découvert un trésor. D'une voix gaie, il appela Mademoiselle de Carnavon. Elle accourut et il lui fit voir le précieux bijou qu'elle aimait couché sous un brin d'écume qui riait au soleil. Une joie d'enfant parut sur son visage. Et ses yeux ravis s'arrêtèrent sur ceux de Raoul. « Êtes-vous contente ?» lui dit-il. Il se baissa pour ramasser le crayon, et le tirant de la flaque d'eau qui était en contrebas se trouva à genoux devant elle. Il y resta et lui tendit le petit objet. Leurs doigts se rencontrèrent. Il prit sa main, la garda. Troublée, elle la lui laissa. « Esther !» s'écria-t-il. Elle rougit, respirant à peine, puis, faisant un effort, se dégagea et se sauva en courant. Le marin demeura quelques minutes à la même place, la suivant des yeux, tandis que les pans de sa robe balayaient la tige des bruyères. Un flot de jeunesse gonflait son cœur, et il ne cherchait pas à se rendre compte de ce qui se passait en lui. Il se leva bientôt et marcha derrière elle, lentement, dans ce sentier fleuri que sa course avait tracé au milieu des lavandes et des bruyères. Il lui semblait que le doux parfum qui s'en échappait venait d'elle. Peu d'instants après, il la rejoignait auprès d'un groupe de pêcheurs qui s'étaient rassemblés autour des vannes. Jacques était là, les bras nus jusqu'au coude et plongeant ses mains dans l'eau agitée par la fuite des poissons. Esther, les joues en feu, se pressait contre lui et haletait. Mais c'était moins la rapidité de sa fuite que l'émotion qui l'oppressait. Un sourire errait sur ses lèvres qui n'était pas celui de la tristesse. Raoul se glissa vers elle. Sans retourner la tête, elle le vit venir. Quand il fut à son côté, sans qu'elle en eût conscience, l'expression d'un bonheur innocent, profond, radieux, se répandit sur son visage. La présence de son frère lui donna du courage, elle leva les yeux sur M. de Maupas. S'il ne l'eût pas aimé déjà, il l'eût adoré en ce moment. Il y avait comme le don d'une âme dans ce regard. Un vieux pêcheur qui cherchait dans les fossés d'écoulement mis à sec les anguilles et les tanches, pour lesquelles des douzaines de paniers avaient été préparés, frappa du pied avec violence à la vue du maigre butin qu'il retirait de la vase. « Misérable pêche ! » s'écria-t-il. « Mais comment être surpris ? Voici l'homme à la jambe qui traîne. » Esther tressaillit et chercha partout. Le ronquier passait en effet sur la chaussée, sa besace sur l'épaule, traînant le pied. Un instant, il s'arrêta, et s'adressant au groupe qui s'agitait au bord de l'étang, « Ça ne va donc pas fort » cria-t-il. « Dame, l'homme n'est pas fait pour être content tous les jours. » Il s'éloigna lentement, frappant du bout ferré de son bâton sur les cailloux de la chaussée. Toute joie s'était effacée du visage d'Esther. Elle se rappela le jour où elle l'avait rencontré, cueillant des champignons dans ce bois où elle marchait l'aventure, peu de minutes avant l'heure où M. de Maupla s'était présenté devant elle. Par quelle influence mystérieuse était-il ramené dans son voisinage, en un moment où un flot de sensations inconnues venait tout à coup de la pénétrer? Et à défaut de cette influence contre laquelle sa raison protestait, n'y avait-il pas une coïncidence au moins étrange dans cette double rencontre où sa pensée s'obstinait à voir un présage? Leur tour se fit silencieusement. Elle était mal à l'aise. Et cependant, eût-il été en son pouvoir de le faire, elle n'eût rien changé aux instants qui venaient de s'écouler et en caressait le souvenir dans son cœur. Raoul, qui l'observait, était plein d'une joie intérieure que sa jeunesse réveillée savourait délicieusement. En arrivant au sommet d'une côte d'où leur gare, par-delà les collines et les champs, embrassait la mer au loin, la nuit qui était venue fut tout à coup éclairée par la lune, qui leva son disque élargi sur la transparence de l'horizon. Sa lumière envahit l'espace et fit tout à coup étinceler les flots, prêtant à l'étendue de ce paysage la magie de sa clarté flottante. Le char où tous deux étaient assis sur la première banquette, non loin d'Hortense, assoupie et de Charlotte rêveuse, descendait une pente sur la lisière d'un bois. Quand on fut au creux d'un vallon où ce chemin, serré entre deux groupes, faisait un coude, les yeux de Raoul indiquèrent l'endroit où un sentier de chèvres tracé parmi les rochers et les buissons s'y perdait, et d'une voix qui avait la douceur d'un soupir, il dit « C'est là ». Esther sourit, et ses craintes, le présage et le ronquier, tout fut oublié.